j'étais pas du tout affreuse, moi. J'avais des idées vicieuses sous mes cheveux jaunes. Et allons-y, rouler, rouler, petit bolide. J'ai offert à Pépette un tour d'auto-tamponneuse. Elle est là, gardez la 7. Moi j'ai repris la 11. Le patron de l'auto-tampon, qui était très gentil, comme musique de fond, il nous a mis Johnny. Pendant que mon idole chantait les portes du pénis entier, les petites autos tourner et tourner et tourner, boum. Et moi je faisais exprès de cogner dans Pépette, paf. Même qu'un coup sans faire exprès, elle s'est foulée la tête, aïe. On est allé boire une gueuse près des auto-tamponneuses. Elle avait l'air bien moins heureuse dans sa robe moche. Elle avait l'air moins amoureuse. Elle m'a dit d'un air songeuse, faut que je rentre chez ma logeuse. Quelle catastrophe. J'ai quitté la Pépette près des auto-tampons. Je lui ai demandé, mais Pépette, est-ce que c'est ton vrai nom? Elle m'a dit, ce que t'es bête, c'est mon surnom, pauvre con. Mon vrai nom, c'est Zézette, mais ça fait un peu long. On a mangé ensemble une glace au chocolat. Elle, elle a pris framboise et moi j'ai rien mangé. Je voulais une glace à la viande, oui mais y'en avait plus. Ou alors viande hachée, mais ça coule le long du cornet. On est allé boire une gueuse près des auto-tamponneuses. Je l'ai trouvée soudain hideuse, sa robe trouée. Je lui ai dit, tu sais, petite pisseuse, je préfère les auto-tamponneuses. Toi, t'es pas assez luxueuse, mais dis-moi, quelle heure qu'il est? La, la, la, la, la, la, la, la, quelle heure qu'il est? La, la, la. Le numéro 112 gagne un E.T. gonflable ou un magnétoscope en carton. La petite Delphine attend sa maman à côté du stand des merguez. Attention, le propriétaire de la 504 Pigeot, immatriculée 4012 QQ75, est prié de la déplacer, elle gêne l'autocar du Parti communiste. Et c'est encore un militaire qui gagne un filet garni avec un bazooka dedans. Personne qui a perdu un portefeuille en cuir, essayez de le rapporter. Maëlle, la gagnante de The Voice saison 7, bouleverse avec une chanson sur le harcèlement scolaire. Ou une ballade au piano, signée Calogero et Paul École. L'effet de masse, ben c'est le nom de la chanson, montre les effets dévastateurs du harcèlement scolaire, dont les séquelles peuvent s'inscrire durablement dans l'esprit des victimes. Des blessures enfouies et qui peuvent, hélas, mener au pire. L'effet de masse, Maëlle. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui, tu l'as déjà vu.

La totalité des recettes de la chanson suivante, interprétée par Calogero, sera reversée à la Fondation des Hôpitaux de Paris et des Hôpitaux de France en faveur du personnel soignant. Calogero a composé « On fait comme si » alors qu'il était confiné chez lui. Cette chanson parle de solidarité à l'heure du confinement et l'objectif est très précis. Venir en aide au personnel soignant en reversant la totalité de ses droits à ces héros qui sont en première ligne dans la bataille contre le coronavirus. On fait comme si, Calogero. C'est un drôle de silence qui vient de la rue, comme un dimanche imprévu. Un homme chante là-bas sur un balcon, sa voisine l'accompagne au violon. On a dit aux enfants des mots qui rassurent. C'était comme une aventure. On a collé leurs dessins sur le frigo. On a éteint les chaînes d'infos. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si on fait comme. Être si loin nous rapproche. Même pour parler de rien, du bleu du ciel, surtout donne-moi des nouvelles. On fait comme si ce n'était qu'un jeu. On fait comme si on fait comme. De plus, sûr que nos vies d'après seront plus belles, surtout donne-moi des nouvelles. Il changeait la vie. C'est une chanson de Jean-Jacques Goldman, sortie en 1988. Et la chanson fut utilisée par Lionel Jospin lors de ses meetings à l'élection présidentielle de 1995, ça fait déjà 25 ans, hein, en référence au slogan du programme politique du Parti socialiste. Il changeait la vie, Jean-Jacques Goldman. Surprise, surprise. Alors qu'on le pensait retiré de la scène, en tout cas du public, le 23 mars 2020, face à l'épidémie de coronavirus, Jean-Jacques Goldman fait une rare apparition dans une vidéo intitulée « Il sauve nos vies ». Reprise sur le même air, il rend hommage à tous ceux qui, au personnel médical notamment, qui doivent affronter l'épidémie. Il sauve nos vies, Jean-Jacques Goldman. C'est des pères et des mères, docteurs brancardiers, aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés, mais leur propre raison de ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Ils sauvent des vies. Un cadre, un ouvrier, un routier, un facteur, paysan, PDG. Tous auraient très bien pu se mettre en retrait, mais ils pensent têtus qu'ils ont un rôle à jouer. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des bons discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Sauve nos les équipages, les cheminots, les militaires, merci à tous ceux que j'oublie, les ambulances, les taxis. Les chercheurs vont trouver, mais ils ont besoin de nous tous. Alors soyez prudents et soyez fiers. Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 45, consacrée à la chanson française de tous les temps. C'est une émission qui a été enregistrée à la maison. Tiens, on va même vous dire où. Résidence de Lorraine, rue de Nabécor. Ah, on ne s'en dit pas plus. Alors, pas de raison. Merci à Xavier pour la réalisation technique. Et merci à vous, les auditeurs, de nous avoir accompagnés. Alors, bien entendu, vous retrouverez le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Attention, c'est un podcast qui reste que la semaine. Voilà. À part ça, la prochaine cerise sur le canto, ça sera dans 15 jours. Mais dimanche prochain, nous vous espérons fidèles et branchés à Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. Peut-être bien qu'on vous parlera d'Autriche, qui sait. Ah oui, oui, oui, bien sûr. L'Autriche, avec des chansons tyroliennes, pourquoi pas. En attendant, soyez heureux sur Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et sur le net radiofagettenancy.net en ligne pour les autres Européens. Alors, nous vous laissons en l'aimable compagnie de Thierry pour son émission Discothèque Classique. Au revoir, à dimanche prochain, 10h.